ce mythe nous retiendra longtemps. Céleste, sang, eau terrestre, pluie douce, pluie douce de la saison sèche, pluie orageuse de la saison des pluies. Bois pourri, bois du roc arbre. Arbre résorbé, sous l'eau indiscrible de mer, indiscrible de liquidité, éventu, éretuant, éretuit, éretuit, musique rituelle. Musique rituelle.